بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 52 dans l'explication du livre de Cheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Muhaddith Rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Al-Bassam Abdullah Al-Bassam Rahimahullah, et c'est le livre Umdatul Ahkam et le charh de Al-Bassam qui s'intitule Taysir al-Allam. Donc on est dans le chapitre 15, ou bien plutôt pas le chapitre, mais bon, le sous-chapitre. On est dans Kitab al-Salat, le chapitre Bab Sujud al-Sahw. Bab Sujud al-Sahw, c'est-à-dire la prosternation qu'on fait lorsqu'on a oublié quelque chose ou bien lorsqu'on a été distrait dans la prière. Et donc as-sahw, Cheikh Al-Bassam il dit as-sahw huwa an-nisyan wa huwa at-tarku min ghayri 'ilm wa laysa 'ala sahibihi haraj haythu qala sallallahu alayhi wa sallam 'ufiya li ummati 'an al-khata' wan-nisyan. Donc as-sahw, qu'est-ce qui est traduit parfois comme étant la distraction, c'est l'oubli, hein, an-nisyan. Et c'est le fait de laisser quelque chose sans savoir, hein, de laisser quelque chose sans savoir. Et la personne qui a oublié quelque chose ou qui a laissé quelque chose sans savoir dans sa prière, eh bien, il n'y a pas de péché pour elle, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, yani que la umma a été pardonnée pour qu'est-ce qu'elle fait par oubli ou par erreur. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan-nisyan. Et le cheikh il dit ensuite وَقَدْ وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِحِكَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ مِنْهَا بَيَانٌ أَنَّهُ بَشَرٌ يَقَعُ مِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ عُصْمَةً لِمَقَامِ النُّبُوَّةِ وَمِنْهَا التَّشْرِيعُ لِلْأُمَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ ومنها التسلية والتعزي لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه أو النقص في إيمانه إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى. Donc le cheikh il explique que ce genre d'oubli s'est produit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé, et pour des raisons et des sagesses nombreuses. Et parmi les sagesses en question, le cheikh il dit le fait que on veut montrer, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un être humain, hein. C'est-à-dire, c'est un être humain, donc il peut oublier de la même manière que n'importe quel autre être humain peut oublier. Excepté que, Allah subhanahu wa ta'ala le corrige ou lui rappelle lorsque quelque chose, doit être rappelé, étant donné que c'est un prophète, donc il est infaillible dans tout ce qui concerne la transmission de la religion et de la révélation. Donc, ensuite le cheikh il dit, et parmi les exemples des sagesses également, il y a le fait de vouloir clarifier la législation et les règles de la religion dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire par exemple lorsqu'on a oublié quelque chose dans la salat, comment réparer notre salat. Et aussi c'est un exemple à suivre pour nous, pour par exemple si quelqu'un oublie quelque chose dans sa salat, hein, il va savoir que si c'est quelque chose qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça va le consoler d'une certaine façon, puisque il va ressentir de la tristesse et ou même avoir peur d'avoir une défaillance ou un problème dans sa religion à cause de cet oubli là et il va peut-être aussi penser qu'il a une faiblesse dans sa foi. Or cette chose-là peut arriver, et donc si c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça peut arriver à d'autres personnes aussi, et il y a dans ça beaucoup d'autres secrets que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans ce genre de situation. Il dit ensuite wa asbabu sujudi lahu thalatha, les causes de la prosternation, de l'oubli ou de la distraction sont de trois. Imma ziyadatun fi ssalati aw naqsun fiha aw shak wa shuri'a sujudu sahwi irda'an lirrahman wa ighdaban lishaytan wa jabran linuqsan. Donc le cheikh il explique que les trois raisons pour lesquelles on fait ce genre de prosternation lorsqu'il y a un oubli ou une distraction, c'est de trois raisons, trois causes. La première, c'est lorsque quelqu'un a ajouté quelque chose par distraction dans la prière, il a ajouté, hein, donc il doit faire sujoud de sahou à la fin. S'il a enlevé quelque chose à la salat par oubli ou par distraction, eh bien il doit également faire sujoud de sahou, la prosternation de distraction. Et s'il a un doute, c'est-à-dire une personne, elle ne sait pas est-ce qu'elle a ajouté ou non, ou est-ce qu'elle a enlevé ou non, alors elle est dans le doute, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Eh bien on va voir les règles à ce sujet, comment elle doit réparer la prière. Et une fois qu'elle a réparé la prière après le doute, eh bien elle doit faire ce jour de sahou. Et le cheikh il explique que la législation qui est reliée au sujoud, à la prosternation qu'on fait, c'est pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, et pour enrager et mettre en colère le shaytan, et pour corriger et réparer le manquement qui s'est produit dans la prière. Ensuite le cheikh il explique et il mentionne donc ce hadith qui est le hadith 101 dans عمدت الأحكام. Il dit عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ يعني قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم رواه البخاري ومسلم. والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. Donc pour commencer on va traduire le hadith, et le hadith est rapporté selon Muhammad ibn Sirin, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec nous une des deux prières de la journée, c'est-à-dire pendant le jour. Et le terme qui est employé en arabe c'est al-ashiyyi, et à la fin il y a l'explication du terme en arabe al-ashiyyi, c'est soit yani c'est un temps qui c'est un temps qui est délimité par le zénith, c'est-à-dire lorsque le soleil est à son plus haut point dans le ciel, jusqu'au coucher de soleil. Donc le temps qu'on appelle al-ashi en arabe, c'est le temps à partir du zénith, hein, la prière de Dhuhr, le début de Dhuhr, jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher de soleil. Cette partie du temps de la journée, on appelle en arabe al-ashi. Donc ici, le Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec nous une des deux prières de al-ashi, c'est-à-dire soit le Dhuhr ou l'Asr. Et dans certaines narrations du hadith, il y a une confirmation que c'était la prière de Asr, que c'était la prière de Asr. Parce que le rapporteur du hadith qui le rapporte de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est Muhammad ibn Sirin, un parmi les grands, parmi les tabi'in, il dit, Abu Huraira l'avait mentionné, mais moi je l'ai oublié. C'est-à-dire, il a oublié laquelle des deux. Est-ce que c'était Dhuhr ou l'Asr? Il dit, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec nous, wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec nous deux raka'at. Puis il a fait le taslim. Et il s'est levé vers un morceau de bois qui était dressé dans la mosquée. Puis il s'est accoté sur ce morceau de bois-là. Et il avait l'air fâché. Et il a mis ses deux mains, hein, en entrelaçant ses doigts sur le bois en question. Et les gens qui partaient ou qui se précipitaient à sortir de la mosquée, après la prière, ont dit, est-ce que la prière a été raccourcie? Parce qu'il avait fait que deux rak'at. Et Abu Bakr et Omar étaient parmi les gens, mais yani, ils n'osaient pas parler. Ils n'osaient pas parler. Alors il y avait un homme parmi les sahaba qui était présent, et cet homme-là, il était connu pour avoir des longs bras. Hein, il a des bras très longs. Donc on l'appelait Dhul Yadayn à cause de ça. Donc son surnom, c'était Dhul Yadayn. Alors le prophète, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou la prière a été raccourcie? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai ni oublié et je n'ai pas non plus raccourci la prière. Alors à ce moment-là, yani Dhul Yadayn a confirmé que certes tu as oublié, hein, tu as oublié parce que on a fait seulement rak'atayn. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est tel que Dhul Yadayn l'a dit? Et les gens ont confirmé et ils ont dit, effectivement oui, c'est comme il l'a dit, hein, et parce que dans certaines narrations du hadith en question, Dhul Yadayn a répondu en disant, certes tu as oublié, parce que dans la version de Umdatul Ahkam ici, cette partie là elle n'avait pas été mentionnée. Donc il a confirmé, certes tu l'avais oublié. Et ensuite, donc les gens ont confirmé, ils ont dit oui, c'est tel que Dhul Yadayn l'a dit. Et après le cheikh, donc la suite du hadith, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc levé et il a prié ceux qui manquaient de la prière qu'il avait fait. Donc il avait fait rak'atayn. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a complété les deux autres rak'at, puis il a fait le taslim. Après il a fait un takbir et il s'est prosterné. Il est resté de la même durée que sa prosternation habituelle ou un peu plus long, puis il s'est redressé pour s'asseoir. Hein, il a relevé sa tête en faisant le takbir, puis il s'est reprosterné encore une deuxième fois en faisant le takbir, et il est resté encore la durée de son sujoud ou un peu plus long encore, et il s'est redressé encore pour s'asseoir en faisant le takbir, et puis ensuite il a fait le taslim, hein. Il dit, فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ. Il dit probablement qu'ils lui ont posé la question, c'est-à-dire au narrateur du hadith, et il dit, فَنُبِّهْتُ. Yani, ça c'est la parole de Ibn Sirin. Il dit, j'ai été On m'a informé que Imran ibn Hussein a dit, puis ensuite il a fait le taslim. C'est-à-dire après avoir fait sujoud sahou, il a fait le taslim. Il a fait le taslim encore une fois. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général de ce hadith, le Cheikh Abdullah Al-Bassam il dit, المعنى الإجمالي يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر فلما صلى الركعتين الأوليين سلم ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام شعر بنقص وخلل لا يدري ما سببه فقام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها بنفس قلقة وشبك بين أصابعه لأن نفسه كبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم بأن أمرا حدث وهو قصر الصلاة وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يجرأ أحد أو واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام بما في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أن رجلا من الصحابة يقال له ذو اليدين قطع هذا الصمت بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه لم أنسى ولم تقصر وحينئذ لما علم ذو اليدين أن الصلاة لم تقصر وكان متيقنا أنه لم يصلها إلا ركعتين علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نسي فقال بل نسيت فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين فقال لمن حوله من أصحابه أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصلي إلا ركعتين فقالوا نعم حينئذ تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من الصلاة وبعد التشهد سلم ثم كبر وهو جالس وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول ثم رفع رأسه من السجود فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم ولم يتشهد Donc ici c'est le résumé donc du sens de ce que le hadith nous a mentionné ou expliqué. Il dit que Abu Huraira a rapporté dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié avec eux, avec les compagnons, une des deux prières de la journée, soit le dhuhr ou l'asr. Et il dit lorsqu'il a fait rak'atayn, il a fait le taslim directement, tout de suite après les deux premières rak'at. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui est parfaite, Et donc, étant donné qu'il est parfait, il ne va pas se sentir tranquille en lui-même, excepté si son action est complète et parfaite aussi. Et il a ressenti en lui-même qu'il y avait un problème, ou quelque chose qui manquait, mais il ne savait pas la cause. Alors il s'est levé vers un morceau de bois dans la mosquée, et il s'est accoté dessus, et en lui-même, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Alors il a entrelacé ses doigts et son âme sentait qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas complété ou qu'il n'avait pas fait complètement. Et à cause de ça, il était dans un état comme s'il était en colère, comme s'il était fâché de quelque chose. Et il dit, les gens qui se précipitaient pour sortir de la mosquée à ce moment-là, ils parlaient entre eux à voix basse en disant, comme si quelque chose s'était produit à propos de la salat, hein, le fait que la prière avait été raccourcie. Et donc c'est comme s'ils se demandaient entre eux, est-ce que la prière a été raccourcie? Et les gens n'osaient pas dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait oublié, parce à cause du respect qu'ils avaient pour le statut du prophète. Et certains pouvaient aussi avoir l'idée que étant donné qu'il est prophète, il ne peut pas oublier ce genre de choses là et par respect donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le respect qu'ils avaient en eux-mêmes, il n'y a personne d'entre eux qui avait osé ouvrir ce sujet-là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et y compris Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, excepté un parmi les sahaba qui était présent, qu'on appelle Dhul-Yadayn, hein, Dhul-Yadayn, on l'appelle l'homme au long bras, parce qu'il a deux longs bras, on l'appelle les deux bras, l'homme aux deux bras, deux longs bras. Et il a brisé donc le silence et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou bien la prière a été raccourcie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur ce qu'il pensait ou ce qu'il pensait avoir fait, il dit, non, je n'ai ni oublié, j'ai pas oublié, j'ai pas raccourci non plus. Alors à ce moment-là, Dhul-Yadayn a mentionné que la prière, il l'avait faite seulement deux raka'at. Il dit parce que Dhul-Yadayn était certain que la prière avait été seulement raka'atayn, deux raka'at. Et donc, étant donné qu'il était certain maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas raccourci la prière volontairement, alors il était certain qu'il y avait... le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait oublié. Alors Dhul-Yadayn a dit, tu as oublié, hein, tu as oublié de faire deux rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donc vérifier et confirmer l'information de Dhul-Yadayn, à savoir est-ce que c'est vrai ou non, est-ce que c'est tel que Dhul-Yadayn l'a dit. Et les gens ont confirmé avec le prophète que effectivement Dhul-Yadayn a raison. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé, hein, il s'est replacé et s'est remis à la place de l'imam, et il a fait le takbir, hein, il a fait les deux rak'at qui restaient à faire dans sa prière. Et puis lorsqu'il a terminé le tashahhud, il a fait le taslim, et ensuite il a fait deux sujouds. Après, il a fait la première sajda, première prosternation, puis il s'est assis, et puis il en a fait une deuxième. Et dans la description de sa prosternation, on dit qu'elle était de la même longueur que celle qu'il a faite durant sa prière, ou un peu plus longue. Et ensuite, lorsqu'il a fini les deux prosternations, il s'est assis, il n'a pas fait le tashahhud, et il a fait le taslim directement. Donc, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Et donc, ça c'est par rapport à l'explication du sens général du hadith. Ensuite, le cheikh maintenant, il va parler des divergences des ulama au sujet de cette question et de ce hadith en particulier. Et il dit que, donc, en ce qui concerne les positions des ulama sur ce sujet, il commence à parler de la question du doute. Hein? Il dit الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو. روى مسلم عن أبي سعيد أنه قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر في الشك فليبين ما استيقنه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم قبل أن يسلم. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne le doute dans la salat, ça c'est une des causes pour lesquelles on fait la prosternation de l'oubli. Et il dit que il a été rapporté selon Abi Sa'id, hein, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous a un doute dans sa prière et qu'il ne sait pas combien il a fait, est-ce que 3 ou 4 rak'at, alors qu'il regarde dans le doute, et lorsque il a été certain, hein, et que ça a été clarifié pour lui, alors dans ce cas-là, il va faire 2 sujoud, hein, et il va faire 2 prosternations avant le taslim. Donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il doute, il dit ça, c'est une des situations ou une des questions sur lesquelles il y a une divergence entre les ulama. Et la divergence à ce sujet-là, elle est divisée en 3 positions. La première position, il dit le cheikh, إِذَا شَكَّ فَقَوْلُهُ إِذَا شَكَّ هُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وربيعة ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده فجعلوا من غلب على ظنه شاكا فجعلوا من غلب على ظنه شاكا وأمروه أن يقطع ما شك فيه ويبني على ما استيقنه وقالوا الأصل عدم ما شك فيه فرجحوا استصحاب الحال مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه ولم يعتبروا التحري بحال. Donc, ici, le cheikh, il explique que, en ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit, lorsque yani l'un d'entre vous doute dans sa prière, ça c'est une question sur laquelle il y a une divergence, la question du doute. Et la position de Malik et de Shafi'i, et c'est une également des positions qui est célèbre chez les compagnons de l'imam Ahmad et de l'imam Al-Thawri et de l'imam Al-Awza'i et de l'imam Ishaq ibn Rahouya et l'imam Rabi'a. Et il est rapporté, cette position est rapportée également de Ibn Omar et également de Ibn Abbas. Eh bien, ils sont allés à l'opinion que toute personne qui n'est pas certaine de quelque chose, alors il est dans le doute, même si une des deux choses est plus évidente pour lui que l'autre. Ils le considèrent malgré tout comme étant dans le doute, et ils disent donc que si quelqu'un a il pense qu'il est plus probable que telle ou telle des deux choses sur lesquelles il a un doute soit possible, ils considèrent eux que c'est un doute et qu'il faut enrayer le doute complètement et basé sur la certitude. Donc ils ont dit que à la base il ne doit pas considérer ce qu'il a comme doute, et ils disent donc tu dois continuer ta prière comme si la chose sur laquelle tu as le doute tu l'élimines complètement. Donc eux, ils demandent pas à la personne qui a un doute d'essayer de trouver lequel, qu'est-ce qui est plus proche, yani, c'est-à-dire est-ce que c'est par exemple si tu as un doute, est-ce que tu as fait 3 ou 4, eh bien tu vas pas essayer d'analyser ou de voir si tu as fait 3 ou 4, tu te bases directement sur l'idée que tu as fait le plus petit des deux, c'est-à-dire 3 seulement, puis tu bâtis là-dessus, tu élimines le doute complètement. Donc ça c'est la première position. La deuxième position, c'est la position de l'imam Ahmad dans une des deux narrations qui a été rapportée de sa part. Cette position-là, c'est que la personne, lorsqu'elle prie seule, elle doit se baser sur la certitude. Et ça, c'est basé sur le hadith de Abu Saïd. Tandis que l'imam, eh bien, lui, il se base sur ce qui est le plus probable selon lui. Et il dit وَقَدْ اِخْتَارَ ذَلِكَ الْخَرْقِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدِ وَالْمُوَفَّقِ. Donc parmi les compagnons de l'imam Ahmad, Al-Kharqi, il a choisi cette position-là. Et donc eux, ils disent que l'imam, il doit se baser sur qu'est-ce qui est le plus probable, tandis que la personne qui prie tout seul, il se base sur la certitude. Et Al-Muwaffaq, c'est-à-dire Ibn Qudama, lui, il s'est basé sur cette opinion-là lui aussi. Et Al-Muwaffaq, Ibn Qudama, il dit la raison pour laquelle ils ont spécifié la différence entre l'imam et celui qui prie seul, c'est parce que la personne qui prie seul, eh bien, il n'y a personne qui lui rappelle en général ou qui lui fait un signe pour lui dire qu'il s'est trompé. Tandis que lorsqu'il prie en tant qu'imam, les gens qui sont derrière lui en général vont lui faire un rappel pendant la prière, ils vont faire le takbir pour lui indiquer qu'il a soit oublié quelque chose ou rajouté quelque chose. Donc il se base sur ce qui est le plus évident pour lui dans ce cas-là. Naam. Ensuite, le cheikh il explique la troisième position parmi les positions sur cette question du doute dans la prière. Il dit القول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وهو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهما وهذا القول هو التحري والاجتهاد وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب وهو حديث ابن مسعود ولذلك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. Il dit فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي فهو راجح على مجرد استصحاب النفي وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه فإنما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذا حقيقة هذه المسألة ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. Donc ici le cheikh explique la troisième position. Il dit que c'est la position de Abu Hanifa et de ses compagnons, et c'est également une parole qui est connue chez beaucoup d'entre les salafs et d'entre ceux qui sont venus après. Et c'est rapporté également selon Ali radiallahu anhu, ainsi que Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et cette parole, c'est qu'il faut chercher et faire l'ijtihad pour essayer de trouver le nombre de rak'at qu'on a fait dans la salat. Et se baser sur la plus grande probabilité ou la plus grande possibilité selon ce qui nous apparaît de qu'est-ce qu'on a fait de la prière. Peu importe que ce soit de la part de l'imam ou de la personne qui prie seule. Et c'est basé sur les hadiths les plus authentiques dans le chapitre. Et il dit que c'est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans son hadith, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne suis qu'un être humain et j'oublie comme vous oubliez, et si j'oublie alors rappelez-moi. Et si l'un d'entre vous a un doute dans sa salate, alors qu'il cherche ce qui est correct et qu'il complète ce qu'il manque. Et il dit, puis il prie, il se prosterne deux prosternations. Et ensuite il se prosterne deux prosternations. Et le cheikh, il dit donc ici, dans ce hadith, il a demandé à ce que la personne cherche à comprendre, hein, qu'est-ce qu'il a manqué, et à compléter sa salat. Et il a fait de la personne qui a un doute une personne qui complète sa prière, et non pas une personne qui est dans le doute dans sa prière. Donc c'est pour dire que c'est possible que la personne, par exemple, qui a un doute, elle considère que elle n'a pas fait moins que qu'est-ce qu'elle pensait. Donc dans ce cas-là, elle complète sa prière comme si elle n'avait pas manqué ou oublié quoi que ce soit. Et donc dans ce cas-là, c'est comme si elle a complété sa salat. Et le cheikh dit que c'est cette position-là qui est la plus correcte, parce que c'est la position qui c'est ça qui est ordonné à la personne qui prie, de chercher à savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qu'il a fait ou non. Et ça, c'est supporté par les différentes preuves de la charia. Et c'est plus fort que qu'est-ce qui a été mentionné dans les autres cas. Et c'est ça la réalité de cette position. Et on se base sur cette opinion-là ou sur cette position-là pour les autres adorations dans lesquelles il y a des nombres. Par exemple, le nombre de tawaf qu'on doit faire dans le tawaf, c'est 7. Donc si on a un doute dans le nombre de tawaf qu'on a fait, on se base sur cette règle là aussi. De même que pour le sa'i, si on fait on doit faire le sa'i 7 fois entre Safa et Marwa, donc si on a un doute dans le nombre qu'on a fait, on suit la même règle. De même que pour les pierres qu'on lance au Diamarat pendant le Hajj, eh bien c'est la même chose, on se base sur cette règle là aussi par rapport au doute et le nombre. Ensuite, le cheikh, il mentionne les règles qu'on peut tirer de ce hadith. Et la première règle, c'est la permission, yani jawaz as-sahw min al-anbiya alayhi as-salat wa as-salam fi af'alihim al-balaghiyya illa annahum la yuqarruna alayhi amma al-aqwal al-balaghiyya أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء ونقل في ذلك الإجماع. Donc le premier point, c'est le fait que il est permis de la part des prophètes qu'il y ait une oubli dans ou une distraction dans leurs actions, hein? Sauf qu'ils ne vont pas être permis de rester ou de continuer sur cet oubli-là ou sur cette erreur-là, c'est-à-dire ça doit être corrigé. Tandis que dans les paroles, il ne peut pas y avoir de distraction ou d'oubli. Ça, c'est impossible pour les prophètes, et ça, il y a un consensus sur cette question. Le deuxième point, al-hikam wal-asrar allati tatarattabu ala hadha as-sahwi من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية. Donc il dit, parmi les sagesses et les secrets qui découle de cette question de la distraction dans la prière ou de l'oubli dans la prière, eh bien il y a l'explication des règles de la législation à ce sujet. Et c'est-à-dire que parmi les sagesses du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait oublié ou ait fait par exemple un oubli dans sa prière, eh bien il y a dans ça l'explication des règles de la prière par rapport à ça. Il y a aussi l'allègement pour la Ummah et le fait que yani, on est excusé de qu'est-ce qu'on a oublié, de qu'est-ce qu'on a fait par oubli ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait par oubli par exemple, et que les prophètes sont des êtres humains et que eux aussi, comme nous on peut se tromper, eux aussi ils peuvent se tromper, et donc yani, ça appelle à la compassion, la miséricorde. Et aussi le cheikh il dit que ce genre d'oubli ou de distraction peut se produire dans leurs actions, toutefois non pas dans leurs paroles. Non pas dans leurs paroles. Le troisième point, أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها. Donc le cheikh il explique que lorsque une personne sort de la prière avant qu'elle soit complétée, alors que la personne pense qu'elle a été complétée, ça ne coupe pas cette prière et il est permis de la compléter en se basant sur ce qui a déjà été fait, donc en complétant ce qui manque de cette prière là donc on n'a pas besoin de la recommencer du début. Le quatrième point, أن الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها خلافا لمن أبطلها بذلك من العلماء فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين. Donc le cheikh explique que la parole que quelqu'un va faire après la salat, elle ne va pas annuler la validité de qu'est-ce qu'il a déjà prié, et le fait de pouvoir continuer sa prière à partir de l'endroit où il s'était arrêté, contrairement aux ulama qui ont déclaré que cette chose-là annulait la prière. Parce qu'il y a certains parmi les ulama qui mentionnent que si tu parles après la prière, dans laquelle, comme par exemple si tu as fait le taslim avant la fin et que après tu parles, eh bien ça annule ta prière, donc tu peux pas la continuer, il faut recommencer à zéro. Et la preuve que ça c'est incorrect et que c'est que le fait de parler après la prière n'annule pas, c'est que étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à Dhul Yadayn et que Dhul Yadayn a parlé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a posé des questions, ça c'est la preuve que le fait de parler après la prière ça n'annule pas la salat, et ici le cheikh il explique ça. Et en même temps bon, on pourrait dire aussi par rapport à ça que le cheikh dit an al kalam fi salb as-salati min an-nas, donc le fait que la personne parle après la prière au sujet de la prière elle-même en demandant des questions, eh bien ça n'annule pas la prière. Le cheikh il dit ensuite صحة بناء ما ترك من الصلاة على أولها ولو طال الفصل وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام. Donc il dit la validité de continuer notre prière ala awwaliha, ma turika min as-salati ala awwaliha. Donc tu as le droit de baser ta prière à partir de l'endroit où tu as arrêté, et il dit même si l'espace entre la fin de ta prière quand tu t'es arrêté et le moment où tu reprends est un peu long, est long. Il dit, et de même que la personne qui a oublié, par exemple, il dit, كَذَلِكَ لَوْ نَسِيَ السُّجُودِ, même si la personne avait oublié de faire le sujoud, il dit, il doit, Donc il dit فَعَلَ مَا يُنَافِ الصَّلَاةِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ. Donc même si après avoir oublié quelque chose dans la salat, il a fait autre chose qui peut annuler sa parole ou qui vient en contradiction avec la parole, comme par, qui vient en contradiction avec sa salat, pardon, comme une parole qu'il a prononcée ou d'autres choses de ce genre, il dit, on voit dans ce qui a été confirmé dans les hadiths authentiques de Al-Bukhari et Muslim à ce sujet, comme ici celui qui est rapporté par Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sujoud après le salam, hein, et après avoir après avoir parlé également. Donc c'est la preuve qu'on peut toujours réparer l'erreur et corriger l'erreur même après avoir parlé et après avoir fait le taslim. Le point numéro 6, أن الحركة التي من غير الصلاة من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت فإذا وقعت من الجاهل أو الناس. Le cheikh dit que les mouvements qui ont été faits, qui ne font pas partie des mouvements de la prière, n'annulent pas la salat, même s'ils sont nombreux. Et ça, c'est lorsqu'ils ont été faits par la personne qui le fait par ignorance ou par oubli. Et la preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il a mis ses mains sur le bois, il a entrelacé ses doigts, hein, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des exemples. De même qu'il a parlé, il a posé des questions, il a répondu, et ainsi de suite. Le point numéro 7, وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها ليجبر به الصلاة ويرغم به الشيطان. Le cheikh explique comme point numéro 7 l'obligation de faire deux prosternations pour la distraction, pour celui qui a été distrait dans sa prière ou qui a oublié quelque chose dans sa prière ou qui a augmenté quelque chose dans sa prière, dans le but de corriger, hein, dans le but de corriger sa salat et pour enrager le shaytan. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 8, anna sujud as-sahwi la yata'addad, hein, walau ta'addadat asbabuhu fa'inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sallama wa naqasa as-salah wa ma'a dhalika iktafa bisajdatayn. Donc le cheikh il dit que le sujud as-sahw, les prosternations pour réparer l'oubli ou bien la distraction, eh bien, ces deux prosternations-là ne peuvent pas être multipliées. On ne peut pas en faire plusieurs fois après une seule prière. Même si les causes sont nombreuses dans la prière, c'est-à-dire que si quelqu'un dans la même prière, il a oublié ou ajouté des choses, pas seulement une chose, mais il a fait plusieurs erreurs dans la même prière, eh bien, il doit seulement faire deux prosternations après sa prière, même si il avait fait plus qu'une erreur. Le point numéro 9, أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي إذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة وما عداه يكون قبل السلام. وهو مذهب الحنابلة وهو تفصيل يجمع الأدلة وهو تفصيل يجمع الأدلة خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفية أو كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية. Donc le cheikh il dit le point numéro 9, que le sujoud de sahou doit être après le salam lorsque on a enlevé quelque chose dans la salat, et sinon les autres cas, eh bien ça doit être avant le salam. Et ça c'est la position du madhhab al-hanbali. Donc les savants du madhhab al-hanbali, ils font cette distinction là entre ce qui a été par exemple oublié dans la prière ou enlevé, tu fais le salam avant, et sinon dans les autres cas tu le fais après. Tandis que dans les autres madhahib, comme par exemple le madhhab al-hanafi, eux ils disent tu fais toujours sujoud de sahou après le taslim. Tandis que les Shafi'iyya, eux, ils le font toujours avant le taslim. Ensuite, le Cheikh, il dit, le point numéro 10, أن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء ولذلك ما طرأ على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين. Donc le cheikh il dit que la prière de la prosternation de l'oubli de l'imam, elle compte aussi pour ceux qui sont derrière l'imam parmi les gens qui ont prié derrière l'imam, parce que ils doivent le suivre et suivre son exemple. Donc si jamais dans la prière de l'imam il y a un manque ou il y a une faute ou quelque chose comme ça, eh bien cette faute là elle va également toucher ceux qui sont derrière l'imam et qui prient avec lui. Donc quand il répare cette erreur là, eh bien ça répare la prière de ceux qui prient derrière lui aussi. Et yani, donc je sais pas ici si le cheikh il veut faire allusion au fait que certains étaient partis plus tôt avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute les deux rak'at, parce qu'il n'y a rien qui a été, le cheikh n'a pas mentionné quelque chose à ce sujet-là, mais c'est une bonne question à ajouter ici, hein. Si quelqu'un est acquitté avant que l'imam fasse la correction dans la prière, est-ce que eux aussi doivent par la suite la corriger, ou bien ça suffit que l'imam l'ait fait lui-même? Donc ça c'est un point à voir. Donc ensuite le dernier point que le cheikh a mentionné, أما التشهد بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول وأن يتشهد بعد السجود فلو كان تشهد لا ذكر ذلك من ذكره أنه تشهد وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران وهو غريب وليس لمن رواه متابع أو نعم وليس لمن رواه متابع وهذا يوهي الحديث. Donc ici le cheikh il mentionne que il y a pas de tashahhud après les deux prosternations de sahou, et il mentionne les propos de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, qu'il n'y a rien dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suggérerait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait un tashahhud après les deux prosternations de l'oubli. Et il dit les hadiths authentiques ne mentionnent rien de ça, et yani, il dit que certains parmi les ulama qui ont mentionné ça, ils se basent sur le hadith de Imran, mais c'est un hadith qui est gharib, et c'est-à-dire que yani, il n'a pas été rapporté par un grand nombre, et en même temps aussi les autres ulama, hein, yani, ils ont les autres hadiths n'ont pas mentionné ça, et c'est des hadiths qui sont plus authentiques et plus nombreux, donc on ne tient pas compte de celui-là dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tashahhud après le taslim, pas après le taslim, mais après le sujoud de sahou, après les prosternations de l'oubli. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera au prochain cours l'explication du hadith suivant dans ce sujet-là. Puis donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين